mes plus beaux jours. D'arrêter de tourner les pouces. Prends ton bagage et ton courage. C'est pas dit que l'argent pousse. Alors je suis parti en quête de ce fameux arbre à galette. Je l'ai trouvé au fond d'une usine. Mon arbre à galette n'a pas bonne mine. Je suis un enfant du Val-Misère, un orphelin de la Java, un vagabond, la chance en est du petit vin blanc et du lilas. J'ai enlacé sous les tonnelles les filles qui étaient faites pour l'amour. Et j'ai sifflé les ritournelles qui ont versé mes plus beaux jours. Voilà tout fier d'être un arpète, mon petit béret sur la tête, sans l'air du joyeux métallo. Chaque jour je pointe au boulot, 60 heures toutes les semaines. Je cavale et je me démène, mais le samedi soir je débranche et je défoule. Je la honte des hanches, je suis un enfant du Val-Musette, un orphelin de la Java, un vagabond, la chansonnette du petit vin blanc et du lilas. J'ai enlacé sous les tonnelles, qui était faite pour l'amour. Et j'ai sifflé les rires qui ont bercé mes plus beaux jours. Croyez pas que je voudrais le tableau noir de la détresse, car j'ai encore au fond de l'âme la même joie, la même flamme. Celle du temps de la jeunesse, j'ai glané dans des jours de liesse. Qui m'en reste encore pour demain, pour après demain, jusqu'à la fin. Je suis un enfant du Val-Musette, un orphelin de la Java, un vagabond, la chansonnette du petit vin blanc et du lilas. J'ai enlacé sous les tonnelles des filles qui étaient faites pour l'amour. J'ai sifflé les ritournelles qui ont bercé mes plus beaux jours. Ma mémoire part en chantant, se balader au fil du temps. Je suis un enfant du Val-Musette, un orphelin de la Java.